Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclat de lumière du mois d'avril 2026. Éclat de lumière, vous le savez, c'est l'émission culturelle du magazine Lumière en Art qui, avec ses suggestions culturelles, ses coups de cœur et ses partenariats, repoussent, redéfinissent même, je dirais, les frontières de la culture. Et justement, en parlant de frontières, cette émission du mois d'avril est une émission exceptionnelle. Déjà, vous l'aurez remarqué par son horaire de diffusion, puisque nous sommes non pas le deuxième jeudi d'avril, mais le troisième jeudi du mois d'avril, et pour cause, cette émission est donc exceptionnelle puisque j'ai la chance et l'honneur de recevoir dans cette émission deux invités qui vont évoquer et aborder avec nous pendant une heure le prix Frontières de l'Université de Lorraine. Un prix qui interroge de manière forte la notion de frontières, tant sur le plan géographique, et vous touchez un petit peu mon petit cœur d'enseignant d'histoire-géographie passé par l'Université de Lorraine, mais aussi et surtout l'idée de frontières symbolique. Vous aviez peut-être entendu parler sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, ainsi que dans le magazine papier du mois de mars, de ce prix, puisque nous sommes très heureux et fiers chez Lumière en Art d'être partenaires de ce prix pour sa 6e édition, sur laquelle nous allons donc revenir pendant environ une heure avec nos invités. Je dis donc bonjour à Pierre et à Eva. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avec moi pour évoquer ce prix littéraire pendant une heure, j'accueille tout d'abord notre indétrônable chroniqueur Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et j'accueille enfin pour finir notre nouvelle chroniqueuse avec qui j'ai coécrit cette émission et je la remercie d'avance pour ça, Nuncia. Bonjour Nuncia. Bonjour Victor. Nous allons donc commencer, vous en avez maintenant l'habitude, par la traditionnelle interview Spectre des invités. C'est l'heure du Spectre des invités. Je commence par demander à nos invités très simplement leur nom et leur prénom. Bonjour, et bien moi je m'appelle Gutleber Eva. Et moi c'est Pierre Degotte. Quelles sont votre profession, vos études, votre parcours? Dites-nous tout, c'est le moment. Ok, alors moi en ce moment même je suis étudiante en master en école de cinéma à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel à Nancy. Donc voilà, petit bisou aux collègues que j'embrasse très fort. Pour parler de ma formation, alors j'ai fait une classe préparatoire lettres, j'ai fait une hippocagne et une cagne en spécialité lettres modernes. J'en suis sortie vivante, heureusement. Bravo, bravo. Et puis je voulais expérimenter la fac, donc j'ai fait une double licence en études culturelles et lettres modernes à Nancy. Pierre ? Eh ben moi, je suis professeur en langue et littérature anglaise, spécialiste du XVIIIe siècle. Donc, j'ai fait des études il y a très, très, très longtemps. Personne ici n'était né. Voilà, donc j'ai fait des études d'anglais. Et puis, je suis actuellement, j'ai une mission spéciale puisque je suis également vice-président du Conseil de la vie universitaire à l'Université de Lorraine. Et justement, c'est un petit peu en lien avec la raison de votre visite. Alors pourquoi est-ce que vous venez aujourd'hui parler culture? De quoi venez-vous parler aujourd'hui dans l'émission Éclat de lumière? Eh bien, on vient parler du prix Frontières 2026 qui, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Non, je rigole. ça peut peut-être, on espère. C'est ça, mais Pierre est président du prix Frontières roman. Et moi, je suis présidente de la nouvelle distinction qui ouvre le prix à une nouvelle étudiante avec IA et une nouvelle étudiante sans IA. Effectivement, des nouvelles catégories desquelles on va reparler plus largement dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner un élément d'inspiration du quotidien, une personne, un livre, une chanson, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin voilà. Est-ce que vous en avez une à partager avec nos auditeurs? Ben moi, je suis passionné d'art et de culture. Voilà, je suis donc de toute façon tous les matins. La première chose que je fais, c'est d'allumer France Musique et puis de me délecter de ce qui va passer. Je suis fou d'opéra depuis l'âge de, je sais même pas, depuis toujours, je crois, depuis l'âge de 13-14 ans. Et voilà, ma passion, c'est la musique et la littérature, bien sûr, et puis le prix Frontières était l'occasion aussi de me pencher un peu plus sur la littérature française et les parutions littéraires dans notre pays. Eva. Alors moi, étant également une passionnée de littérature, je dirais sans doute, sans aucun doute, la littérature, mais j'ai envie de dire mon arrière-grand-mère. Donc Marie Doppler, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Et c'est une femme très dynamique, très très hyperactive. Pendant le confinement, elle faisait des footings dans sa maison. Donc, voilà, prenez exemple, à 87 ans. Oui. Et voilà, c'est ma petite mamie que j'embrasse très fort. Et voilà. On espère en tout cas voir sa forme à son âge, en tout cas autour de ses micros. Je vois tout le monde acquiescer dans la pièce. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est-à-dire les réseaux sociaux, site internet, notamment peut-être du Prix Frontières, si ce n'est pas vos réseaux sociaux personnels, entre guillemets. Donc, je vous laisse un petit peu. C'est le moment de faire votre pub, en fait. Allez-y. Oui, alors moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, je dois dire. Et ce passe seulement une question générationnelle, mais par contre, je suis très souvent devant mon email. Et sinon, quand il y a un opéra, un concert, quelque chose, il est rare que j'y sois pas. En tout cas, si c'est annoncé à Metz, à Luxembourg, et quand je peux, évidemment, je voyage aussi. Eva. Pour ma part, j'ai Instagram, donc mon pseudonyme c'est Evasion, avec deux O et deux tirés du bas à la fin. Et il faut savoir qu'avec un groupe d'étudiants de l'IECA, on a fait des vidéos de communication pour le Prix Frontières. Ah. Et vous pouvez les retrouver sur le LinkedIn, sur mon LinkedIn d'ailleurs, Eva Gutleber, mais aussi sur l'Université de Lorraine, sur Vie étudiante. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Hein. Il faut les voir, elles sont vraiment super. Ah, merci c'est bien. Beaucoup, les réseaux sociaux, mais celle-là, je ne les rate pas. Ah, pourquoi pas alors. Il y en a une nouvelle qui arrive début mai. Ok. Qui présente les 10 romans sélectionnés. Ah, bien. Alors, on les mettra sans doute en lien de l'émission quand on repartagera. Merci beaucoup. Ouais. Avec grand enthousiasme. Ah bah, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. On va commencer cette émission tout doucement avec un premier morceau. Morceau de Whitney Houston, et je vois Nuncia qui lève les yeux au ciel de bonheur parce qu'on va entendre sa voix dans quelques instants. Alors pourquoi ce choix, je crois que c'est Pierre, alors pourquoi ce choix musical en lien avec le Prix Frontières, je crois? Ben oui, d'une certaine manière. Alors je disais tout à l'heure, j'étais fan d'opéra. Hein, premier lien. Alors il se trouve que j'ai découvert cette chanson comme ça chez des amis, et puis j'ai été embarqué par la beauté de sa voix, c'est par magnifique. L'expression. Enfin, c'est le genre de morceau, tout s'arrête. Mmh. Et j'ai découvert, par le plus grand des hasards, et j'en étais stupéfait, que Whitney Houston, et donc la fille, comme on sait, de C.C. Houston, qui est décédée en 2024, et C.C. Houston, et j'ai découvert, était la cousine germaine de Leontine Price. Et Leontine Price, c'est une des grandes divas d'opéra du XXe siècle, et je me suis dit, c'est pas vrai, en musique, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Si Whitney Houston est en parenté avec Leontine Price, je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, la frontière, ça n'existe pas. La frontière n'existe pas, et allons-y alors, découvrons ce morceau. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour découvrir le Prix Frontières sur Fadjet. À tout de suite. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Quelle belle voix, je vois qu'on a des invités, des chroniqueurs et chroniqueuses satisfaits par le choix de ce morceau. On est donc de retour donc, dans cette émission Éclat de Lumière pour évoquer pendant une heure avec nos invités Pierre et Eva le prix Frontières et on va maintenant rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, Nuntia. Oui, tout à fait, nous allons rentrer dans le cœur, dans les pages même, j'ai envie de dire, du prix Frontières. On va parler de sélection, de ces catégories, mais avant toute chose, j'aimerais que l'on revienne un peu sur la genèse de ce prix littéraire. Alors j'ai deux petites questions pour vous. Comment est-il né et surtout, pourquoi ce nom ? Eh bien, ce prix est né, si ma mémoire est bonne, en 2021, puisque nous, cette année, nous faisons la sixième édition. Et il a été, là aussi, hein, si mes souvenirs sont exacts, il a été conçu par un collègue géographe qui s'appelle Grégory Amez, qui est professeur de géographie et qui dirige un groupe qui travaille sur les border studies. Donc ce sont les études de la frontière. Et c'est lui qui a eu cette idée de créer un prix littéraire qui puisse mettre en valeur un texte. Un roman, mais pas seulement, ça peut aussi être un récit de voyage, ça peut être une biographie qui traite de cette thématique spéciale de la frontière. Voilà, d'où le titre. D'où le titre, oui. À la sixième édition du prix cette année, une édition un peu particulière parce que la notion de frontière, en fait, en 2026, elle n'a jamais été autant redéfinie, rediscutée, contestée. Comment s'inscrit cette sixième édition à cet égard ? Alors, qu'est-ce qui vous inspire par rapport à ça ? Dure la question, Eva, je vais pas souffler. Tellement de choses à dire. On est là pour ça. Oui, non, mais c'est clair. Et même moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que les livres vont raconter ? Qu'est-ce que les étudiants qui ont écrit des nouvelles vont nous dire ? Enfin, la frontière, elle est tellement remise en cause. elle est tellement franchie par tout le monde. Et en fait, ce qu'il faut, c'est dépasser les frontières. Moi, j'ai envie de dire, dépassons les frontières, en fait. Pierre, une réaction par rapport à ça ? Oui, bah, tout à fait. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, on a un petit peu aussi dépassé les frontières qui avaient été mises au départ, puisque initialement, le prix avait été conçu pour 5 ans. Et là, on a décidé, donc, comme c'était la 6e année, c'était pas évident qu'on allait continuer avec ce prix, donc on a fait le choix de le maintenir, mais on a aussi fait quelques petits changements au niveau de la manière dont on concevait la sélection des titres, la participation du jury, et on a un petit peu revu les règles en resserrant le nombre de membres du jury. Donc à partir de maintenant, on a décidé qu'il y aurait 4 étudiants, et ça, je crois que c'est une belle ouverture. Mais très Eva, belle ouverture. On en parlera. il y a 4 enseignants ou enseignants-chercheurs et 4 personnalités du monde culturel ou du monde de livres. Et je rappelle aussi que le prix Frontières n'est pas que le prix de l'Université de Lorraine. C'est un prix qui a été conçu avec l'Université de la Grande Région, c'est-à-dire toutes les universités proches, hein, Sarrebruck, Trèves, Liège, Kaiserslautern, j'en ai peut-être oublié, Luxembourg, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, aussi, donc bon. On a ouvert, ce prix a été ouvert aux étudiants. On a ouvert nos frontières. J'allais dire, les frontières ont été finalement à dépasser. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. On va faire plein de jeux de mots. Hein. toute l'émission va être basée sur des jeux de mots. Bon, c'est bien comme ça aussi. Alors moi, je me tourne aussi vers Eva pour demander un petit peu de présenter aux auditeurs de l'émission les spécificités, parce qu'il y a des nouvelles catégories dont tu as été présidente, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver cette année dans cette 6e édition du prix Frontières ? Alors, comme je l'ai dit auparavant, il y a 2 nouvelles distinctions qui sont mises en place, dont une qui, en fait, allez, je vais refaire un petit contexte. On a reçu en tout 77 nouvelles. Je crois qu'il y en avait à peine 20 ou 30%, 20% avec IA. Donc, vous voyez, quand même, c'est très peu, hein. Les étudiants ne voulaient pas non plus utiliser beaucoup d'IA. Et on a reçu, on a mis en place une charte que les étudiants remplissent afin d'évoquer comment, en fait, ils ont utilisé cette nouvelle outil, en fait. Et ça a été très intéressant parce qu'on a vu qu'il y en avait qui utilisaient juste pour corriger les fautes. Donc on se dit, ceux qui ont dit sans IA, ça se trouve, ils ont utilisé de l'IA, mais ils ne veulent pas le dire. Donc en fait, ça remet un peu toute la légitimité, on va dire. Et d'un autre côté, il y en a, ils se sont dit, vas-y, je vais demander des idées à l'IA, on va voir ce qui... Je vais suivre l'IA. Après, il y a aussi des prompts, sur le style d'écriture, les structures, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on va sortir un recueil de 20 nouvelles avec les deux lauréates, donc celle avec IA et celle sans IA. Je vais faire que de répéter son avec. Bref, ça va être très long. J'ai juste une petite question par rapport à ça. Finalement, est-ce que ça n'a pas été dur justement à catégoriser? Justement, à quel moment vous vous êtes dit, ça c'est avec IA? Parce que correction de faute d'orthographe, c'est finalement... on n'utilise pas l'IA de manière créative à cet égard-là. C'est ça, Mais en fait, c'est encore compliqué, je pense, aujourd'hui de resserrer l'IA, parce qu'en fait il y a tellement d'utilisations possibles qu'on est nous-mêmes même pas capables, en fait, de le concevoir vraiment, quoi. Et elle peut servir à corriger des fautes aussi, tout simplement. Mais oui, c'est ça, correcteur de texte, quoi. Après, je sais pas si t'es un très bon correcteur de texte, mais pourquoi pas. C'est là la différence entre l'IA générative et l'IA assistive. L'IA assistive vient en appui à la création, alors que l'IA générative introduit une part de créativité. C'est ça. Et du coup, pour rebondir sur ta remarque, eh bien, quand on a eu nos 460 pages de nouvelles en tout, à chaque fois, à chaque début de nouvelle, on avait s'il y avait IA ou s'il n'y avait pas d'IA. Donc, dès qu'on commençait la lecture, on savait si... D'accord, ok. Voilà. Mais c'est basé sur l'honnêteté de la personne qui a fait... Oui, après, c'est un prix où, comme je l'ai dit, les frontières sont un peu borderline. Donc, on a fait confiance. Ok. Et des fois, fun fact, des fois, il y a des nouvelles sans IA. Moi, je me suis dit, ça pue l'IA. Ça se reconnaît de loin, en tout cas. Ah oui, mais en fait, c'est ça, j'en parlais avec des professeurs qui étaient spécialisés dans l'IA et qui disaient maintenant, le seul détecteur IA, c'est nous-mêmes. Mmh. Parce que même les vrais détecteurs ne détectent plus l'IA. Tout à fait, l'IA. C'est impossible à détecter. Il y a plus de 60% de faux s'il y avait le logiciel de détection de l'IA, tout à fait, ouais. Mmh. Et donc, je vais revenir vers vous. Alors, la sélection de cette année est une sélection assez éclectique qui convoque plusieurs auteurs multiples. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec les noms. Nous avons, par exemple, Yakuta. Oui. Dites, hein, si j'écorche, oui, Ali Kavazovic. Bravo. Tout à fait. Parfait. On a eu du mal, hein. On a eu beaucoup de mal. Nous avons également Ala Alian. Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la sélection de ces 10 romans et surtout, qu'est-ce qui a guidé cette sélection? Alors, ce n'est pas du tout le jury qui sélectionne. Hein. On a un comité de sélection qui est fait de 6 personnes et ce sont des personnes passionnées de lecture. Alors là aussi, il y a un pourcentage d'universitaires, de bibliothécaires. Ce sont des gens qui sont passionnés de lecture, qui lisent tout ce qui paraît en France et qui, à la fin de l'année, se réunissent et nous proposent une sélection de 10 titres. Alors, sur les 10 titres, ça fait évidemment des ouvrages très différents, hein, puisque le traitement de la frontière n'est pas du tout le même de l'un à l'autre. On a eu un texte tout à fait passionnant, qui traite surtout la frontière sous l'aspect géographique. C'était « Frontières liquides » de Daniel de Roulet, qui n'a évidemment rien à voir avec les autres romans dont on discutera. Et ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a demandé à chaque membre du jury de faire sa petite shortlist de 3 titres, et sur les 10 ouvrages qu'on nous a proposés, il n'y en a pas un qui n'était pas au moins une fois sur la shortlist. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point le comité de sélection a bien travaillé et nous a beaucoup facilité, à la fois il nous a compliqué. Oui, parce que les débats n'ont pas dû être faciles. C'était quand même très difficile, mais tous étaient dans la thématique. C'est pour tous les goûts. Ouais. Bien. Question, alors là, attention, parce que celle-ci, elle n'est pas facile. La frontière, on le sait, c'est une notion qui est difficile à bien des égards. Comment, avec l'éclairage de cette sélection éclectique, où il y a eu beaucoup de définitions, on a abordé de manière très différente la frontière à travers ces 10 romans, comment vous définiriez-vous la frontière, le terme de frontière? Et avant que vous répondiez, je vous souhaite bon courage. Alors Eva, honneur à la jeunesse. Pendant ce temps, je réfléchis. Ah non, ça se fait pas. Waouh. La frontière, point. Non, pour moi, normalement, la frontière, quand on la prend du point de vue géographique, c'est une ligne sur une carte. Mais dorénavant, la frontière, c'est une pluralité de frontières identitaires, culturelles, linguistiques. Il y a tellement de frontières moi, en étant un petit être humain comme ça, je pourrais pas la définir de moi-même. Il me faudrait de l'aide, dont l'aide de Pierre. Alors, merci Eva de me renvoyer la balle. Alors, bon, la frontière, évidemment, c'est très difficile à appréhender. Mais moi, ce que je vois, c'est effectivement, c'est quelque chose qui sépare. Et ça, c'est dur, la frontière, mettre une barrière, c'est quelque chose d'extrême. Ça peut être très violent. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes ces zones de porosité entre la frontière. Et ben, on les traverse, on les repousse, on franchit les obstacles, etc. On rassemble aussi frontières. La frontière, ça peut rassembler. Et c'est en gros ce que montrent tous ces textes qu'on a lus. Hein, parce que la frontière, il y a, bon, d'accord, la frontière géographique, comme on l'a dit, mais il y a aussi la frontière entre être homme, être femme. Hein, est-ce que c'est aussi tranché que ça? Il y a la frontière entre le fiction, le réel, et ça aussi, quand on lit des textes littéraires, eh ben, on voit bien que là, des fois, on sent que c'est tellement vécu, elle raconte sa vie, et en même temps, c'est de la fiction. Un petit exemple, il y a un livre qui raconte de façon voilée l'histoire de Dominique Strauss-Kahn dans sa chambre d'hôtel. Donc, eh ben, ça, c'est du réel, c'est du fait journalistique, et en même temps, on en fait de la fiction. C'est complètement fictionnalisé. Alors, où est la part de réel, où est la part de pas réel? La frontière, elle est indéfinissable. Et moi, j'ai envie de rajouter, parce que maintenant, j'ai réfléchi, merci Pierre, que pour moi, la frontière, c'est un espace d'entre-deux. Ouais. C'est quelque chose d'ambigu, où en fait on ne sait pas où est vraiment la place de la frontière. Voilà, c'est fascinant parce que c'est problématique et puis à l'université, bah, c'est ça quand même. Pour conclure cette première partie d'interview, j'avais une petite question, on en a discuté aussi hors micro avec Gilles, avec Nuncia. Si vous aviez peut-être deux romans, vous, coup de cœur. On va évoquer évidemment après la lauréate, celle qui l'a emportée dans la deuxième partie de l'interview. Pour le moment, on ne dit rien. Mais vous, quel roman, voilà, si vous aviez deux textes qui vous ont marqué, est-ce que vous pouvez les partager avec nous Du ici? Prix Frontière. Du Prix Frontière, oui, du Prix Frontière. On viendra sur les recommandations personnelles en dernière partie d'émission. Okay. Alors pour moi, j'ai un livre, un mastodonte, une brique de livre. Alors, faut pas avoir peur des pages, mais ça se dévore. C'est L'Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Non, c'est très bien comme parce ça. Parce qu'elle mérite. Anglais, s'il te plaît. Parce qu'elle mérite vraiment tout le respect qu'on lui doit. C'est un roman de quatre femmes puissantes, fortes, qui sont vivantes, qui vivent dans la réalité, en fait. Et moi, ce roman, il m'a touché à bien des égards. Eh ben moi c'est marrant parce que ce roman c'est en fait je crois que c'est celui qui m'a le moins intéressé. On en a beaucoup parlé avec Pierre. Mais c'est on en a parlé un peu en micro mais c'est aussi lié au fait qu'elle a écrit quand même Americana qui est un texte donc, très important. En fait j'ai été très déçu. Voilà par gardé rapport pour la aux bonne attentes. Bouche et puis j'ai pas accroché. Ouais. Alors il y en a un petit coup de cœur alors outre le prix dont on parlera après mais j'ai beaucoup aimé Frontières liquides en fait parce que c'est pas un roman c'est pas littéraire et en même temps c'est passionnant. Non, parce qu'on voit tout ce qu'on peut dire sur des lacs donc transfrontaliers qui délimitent des frontières entre les pays. Et là, j'ai découvert que la mer Caspienne, alors déjà dans le livre, on l'appelle pas la mer Caspienne, ben la mer Caspienne, c'est pas une mer. Ah oui, c'est un lac parce qu'il est entouré de terre, mais il est salé. Donc en fait, ce n'est ni une mer ni un lac. C'est même pas même ça. On la frontière pas entre les deux. Et... De dire, oui, qu'est-ce qui sépare une mer d'un lac? Parce qu'il est salé à un endroit et pas à un autre. Donc on est encore dans une problématique insoluble et ça m'a fasciné. Voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, avec les quatre autres étudiants, on a tous mis ce livre en dernière position. Et tous les autres professeurs des universités ont tous dit waouh, masterclass et tout. Et nous, on est tous là en mode waouh, c'est beaucoup trop scientifique. C'est peut-être une question de génération aussi, peut-être. Oui. L'intérêt d'avoir un jury composé. J'allais dire. Tout à fait. Vraiment, moi, je suis enchantée. De toute façon, tout ce qui est intergénérationnel, moi, j'adore. D'avoir repoussé les frontières. C'est super parce que nous, on n'avait pas du tout cette vision-là. Ouais, c'est drôle, ouais. On va évoquer dans un instant donc le prix et la gagnante de ce prix dans la deuxième partie de l'interview. Mais avant ça, on va se laisser avec un petit morceau de musique. Je me tourne cette fois vers Eva qui a choisi un morceau de Giorgio qui s'appelle Hôtel 5 étoiles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, avant qu'on l'écoute, pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau, chez cet artiste ou autre? Alors déjà, par simple égoïsme, c'est parce que c'est mon rappeur préféré. Très bien. Et aussi parce que je trouve qu'il traite très bien de la frontière. Lui, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu urbain, qui a connu les inégalités sociales, les déterminismes, les barrières invisibles, qui séparent en fait les individus selon leur origine ou leurs conditions. Et en même temps, il parle de cette frontière intime, où il fait beaucoup d'introspection entre ses doutes, ses fragilités, et ses conflits intérieurs. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il joue beaucoup sur ces genres un peu artistiques, avec des influences mélodiques, très poétiques. C'est une langue magnifique. Quand on aime la littérature, on se régale avec du Giorgio. Et en même temps, il brouille toutes ces catégories musicales traditionnelles. Voilà, bonne écoute. J'allais dire, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission Éclat de lumière. À tout de suite sur Fadjet. «

Très bien, et dans l'avis du jury, justement, vous qualifiez le roman, je cite, d'un premier roman courageux, fidèle au thème de la frontière et porteur d'un message de fraternité. Alors moi, c'est ma partie préférée. Porteur d'un message de fraternité. Alors, quels aspects vous ont-vous le plus marqué dans ce roman ? Moi, si je peux commencer, complètement, on va dire, entre guillemets, à côté, c'est cette histoire entre cette colocation entre une jeune femme de 20 ans, enfin, un peu plus de 20 ans, et une vieille dame de 70-80 ans. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça très touchant, très fraternel. Et alors, je pense pas que ça spoil si je le dis ou pas. Dites. Allez, cette vieille femme, elle va mourir en fait. Et comme elle meurt au début. Tu peux... Oui, elle meurt. Je pense que c'est pas le principal enjeu du. Non, mais elle meurt au début, donc. Allez, spoiler alerte. Un peu tard le spoiler alerte, oui. Mais bon. On coupera au montage. Et donc moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est comment en fait cette jeune femme va être prise dans quelque chose que même elle voulait pas forcément, et elle se retrouve complètement dans une errance à aller en Israël alors qu'il y a un conflit en fait. Mmh. Ouais, t'as fini ? Oui. Oui. Moi, effectivement, on retrouve cette idée d'intergénérationnel. On y revient à chaque fois. On parlait un peu avant, mais c'est un c'est un livre vraiment qui porte un profond message d'humanité, puisque la femme qui part, on a dit qu'elle erre, mais en fait, elle est en quête aussi, elle est en quête de la vérité, elle a des éléments qu'elle veut retrouver, mais elle finit par se trouver elle-même. Et puis, alors là, on ne va surtout pas spoiler la fin, arrive à mettre en relation des personnages qui savaient à peine qu'ils existaient, et on voit bien que c'est un bouleversement pour elle. Et ça se termine sur, l'idée de pardon. Je pense que cette idée, dans ce contexte-là, croyez-moi, lisez le livre, vous verrez, ça fait du bien. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une vision assez multidimensionnelle avec, par exemple, on a un Palestinien, on a un Israélien qui a fait la guerre, on a les traumas, les désirs. Et en même temps, on a cette écriture qui est fine et sensorielle. On sait que Simone, du coup, c'est la vieille femme avec qui elle est en colocation. Elle sent la fleur d'oranger. Moi, je trouve ça super beau. Oui, voilà. Il y a vraiment tous les détails. Alors, Les certitudes de Marie Semelin. On vous invite. Ah oui, foncez l'acheter. C'est un très beau premier roman. Ou aller dans les BU. Évidemment, c'est un fait universitaire. Lisez-le. Lisez-le. Plus simplement, lisez-le. Alors, justement, Eva, il y a pour la première fois une mise à l'honneur de la création littéraire cette année, c'est une nouveauté. Que souhaitez-vous enclencher auprès des universitaires ? On parle d'écriture, justement. Ah, les encourager à l'écriture, les encourager à... C'est-à-dire écrire des livres ? Dans quelle dynamique est-ce que... quel est le but, justement, d'avoir pour la première fois invité les étudiants à écrire ? Ah ok, vous parlez des nouvelles. Oui, bien sûr. Ah oui, on est sur les nouvelles là. C'est la nouveauté de cette année, on n'a pas tort. Oui, c'est ça. alors déjà, moi je l'ai fait par curiosité, pour savoir ce que les étudiants pensaient, dans quel état d'esprit ils étaient. On sort quand même d'un confinement, on l'oublie très souvent. Mais ça fait 5 ans déjà. Oui, ça fait 5 ans, mais les conséquences sont là. Oui, bien sûr. Moi je l'ai senti quand j'ai lu les nouvelles, parce que pour pas vous le cacher, 90% des nouvelles parlent de la mort. Ouais, bon, sympa. Voilà. Joie. Donc c'est super. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les étudiants écrivent, les étudiants lisent. Faut arrêter de dire que les jeunes lisent plus, écrivent plus. Si, il y en a qui écrivent excessivement bien. Et pour la plupart, on va dire la moyenne dans les barèmes, c'est très bien. C'est très bien. Et franchement, après, oui, forcément, on a eu des coups de cœur. Forcément, il y en a qui se détachent plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai été très, très contente de voir ce que mes collègues avaient écrit. Oui, et moi, je pense aussi que c'est une mission de l'université. On est là, évidemment, pour apporter la culture, mais aussi pour la promouvoir et encourager nos étudiants à être eux-mêmes producteurs de culture, qu'ils fassent de la musique, écrivez, faites des vidéos, n'est-ce pas? Oui. Eva, enfin voilà, produisez des choses et éclatez-vous. Repoussez les frontières. Repoussez vos propres frontières, vos propres limites, exactement. Dépassons les frontières. Exactement. En parlant de cette création littéraire, il y a quand même une grande nouveauté cette année dans l'écriture, c'est l'utilisation ou non d'une IA générative. On en a parlé un petit peu au début de l'interview. Alors, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est en quoi ça consiste, cette utilisation de l'IA générative? Qu'est-ce que vous attendez, le jury, de l'utilisation de l'IA dans cette catégorie, justement, d'écriture? Et quel est l'intérêt pour vous, en fait, d'avoir mis en place cette catégorie avec ou sans usage de l'IA générative, parce que ça a intrigué beaucoup. Ah oui, oui. Donc on va en discuter, c'est maintenant. Bah déjà parce que on n'est pas dupes. Maintenant, beaucoup de personnes utilisent l'IA, que ce soit des écrivains, désolé de vous casser un peu vos codes, mais voilà, maintenant certains écrivains utilisent de l'IA. Les étudiants, je pense 98% utilisent l'IA, malheureusement, mais faut... En fait, c'est ça, nous, on se confronte à la réalité et aux vérités. Et ensuite, concernant l'IA, c'était quoi encore vos questions? C'était concernant... Quel est justement l'intérêt de l'utilisation? Qu'est-ce que vous attendez de l'utilisation de l'IA dans l'écriture, justement, quoi? Quel résultat, entre guillemets, est-ce que vous attendez de... d'avoir des nouvelles qui sont écrites à l'IA? Alors nous, ce qu'on a aimé, c'est un peu décortiquer comment les étudiants avaient utilisé l'IA. Après, forcément, ça part d'une charte de confiance sur comment ils ont utilisé. Et après, on a fait, on a fait des réglages sur le pourcentage. Et après, on a mis 10%, 20%, 30%. Il y en avait même qui étaient entre 70 et 80%, quoi. Donc l'IA générative a marché. Mais en fait, il faut le rappeler, il n'y a que 20% des nouvelles qu'on a reçues qui ont utilisé de l'IA. Donc, c'est peu. Hein. C'est très peu. C'est étonnant. C'est assez étonnant. Ouais. Après, si je peux donner mon propre avis à moi, les nouvelles avec IA, je pense qu'il y en avait trois qui se détachaient des autres, et les autres, il y en avait quelques-unes qui étaient un peu exécrables. Quoi, mais... exécrables. Oui, non, mais... Oui, okay. faut le dire. Mais il y en avait, ouais, allez, je rajoute 3, 4, 5 qui étaient bien, et je me suis dit, waouh, ça me fait limite un peu. Ça m'embête un peu que ce soit l'IA. Non, mais je pense que l'IA peut être utilisée de façon créative, et autoriser l'IA dans le cadre de ce concours, c'est aussi une manière de repousser les limites, repousser encore les frontières. Encore une fois. Bon, inutile de dire qu'il y a encore quelques résistances à l'université, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire sans l'IA. C'est un outil qu'il va falloir adopter, qui nous offre des opportunités extraordinaires. Moi, je l'utilise aussi dans ma recherche. Ça me fait gagner un temps fou. Mais je vois très bien comment on peut, en création, que ce soit en musique, en art, dans les l'IA, peut faciliter beaucoup de choses. Si vous voulez avoir encore une fun fact, j'en ai une. Alors, il faut savoir déjà que les professeurs, les jurés professeurs étaient très, très réticents au niveau de l'IA. Moi, ça m'a choquée. Parce qu'en plus, il y en avait certains qui écrivaient sur l'IA et qui étaient réticents. Et de ça, il y en a un qui s'est trompé, qui a mis en top 1, enfin qui a dit « Ouais, celle-là, c'est mon coup de cœur, je la défendrai corps et âme. » Et en fait, il ne s'était pas rendu compte que c'était une IA. Non, mais je vous jure, et je me suis dit... en fait, il fallait le corriger, lui. Et quand on lui a dit que c'était une IA, il s'est décomposé. Il s'est dit « Mais c'est la différence. Possible. » Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Et limite, il voulait lui enlever 2 points. On a dit, non. il a aimé quand même, finalement. Mais il a adoré. Hein. Très bien. Écoutez, on arrive en toute fin d'interview. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste le lieu, la date et l'horaire de la remise des prix Alors, le prix sera remis à Marie Semelin le lundi 18 mai à 18h dans la salle d'honneur de l'université, donc place Carnot à la BU de droit. Les entrées sont gratuites, on le rappelle, pas d'invitation. Eva fera aussi des annonces. Oui. J'ai pas l'info. Ah, faut que j'annonce le résultat du concours des nouvelles. Ah oui. Mais je l'annonce maintenant. Non, tu le fais le 18 mai. Mais non, le 18 mai. Mais dans ce cas, venez tous le 18 mai. Ah voilà, c'est l'info principale qu'on attendait. Dis ce que tu vas faire. L'info principale, si le vous 18 voulez mai. Voir, on aura nos deux lauréats qui vont être là, qui seront présents, et on va avoir une table ronde avec Marie Semelin et les deux gagnants. Et on va parler de Frontières. Et de l'IA aussi. De l'IA, ah oui, de l'IA, bien sûr. On a failli avoir une grosse exclue en fin d'interview. Merci beaucoup à tous les deux pour ces informations. Et merci à vous. Merci beaucoup. On va maintenant passer au traditionnel agenda local. Et c'est Gilles qui va tout simplement nous en parler tout de suite. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Alors Gilles, je crois que tu veux commencer par nous parler un petit peu de théâtre. C'est ça. Eh bien vas-y. Alors, un temps fort, avec la manifestation à Tomblaine en Grand-Nancy, aux actes citoyens, avec une belle programmation cette année, très originale. Rappelons les dates, 9 au 16 mai. On aura des choses très éclectiques comme Barbara par Pietragala, mais surtout, et ça c'est un peu un coup de cœur pour Lumière, notre ami et metteur en scène Philippe Daguerre qui vient avec deux de ses pièces, Le Barbier de Séville et Marius. On aura notre ami Charles Torgeman qui va venir présenter sa dernière création Les 12 hommes en colère, des lectures de Pierre Arditi, enfin bref, ça va être passionnant. Et nous allons rencontrer vendredi le directeur artistique et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Insta de Lumière pour avoir beaucoup d'informations. Alors également, temps fort le dimanche 19 avril avec le 83e commémoration, anniversaire de l'insurrection du gâteau de Varsovie, donc en liaison avec la CJ du 55 rue des Ponts à Nancy. Et avec un livre intéressant qui sera présenté autour d'une conférence de Daniel Laufer, donc « Venir après ». Et puis il y aura également le même jour, mais là, l'Hôtel de Ville de Nancy, la présence pour son dernier ouvrage de Marie Drucker. Alors un petit coup d'œil rétrospectif pour vous dire que l'agenda à venir est riche, mais on fait ce coup d'œil rétrospectif aussi, puisqu'il y a quelques jours, s'achevait « Livre d'ailleurs ». Nous en étions partenaires au niveau de Lumière en Art. Et on en a parlé à la radio le mois dernier. Une émission qui a bien bien fonctionné. Et on était ravis de rencontrer notamment de nombreux auteurs. Et en particulier la présidente Ananda Devi. C'était vraiment un grand moment. Nous avons été ravis de retrouver aussi Popek, qui vient de terminer son exposition donc à l'atelier de Vie Atelier Culture à Nancy. Et c'était sa première exposition. Pour nous, c'était très émouvant parce qu'elle avait eu lieu à la BU de Lettres à Nancy. C'était un beau moment. Et puis également, Lumière était présente aux Rencontres du cinéma. C'est un événement national de Gérard May. Et nous avons pu rencontrer des réalisateurs, des acteurs, avec pas mal de vidéos qui ont été faites, d'interviews, et on a particulièrement un œil bienveillant sur un côté un peu festif et très léger pour le printemps avec le film La Poupée, puisqu'il y avait Sophie Beaulieu et Cécile de France, et ça a été de grands moments très sympathiques. Parmi les événements à venir, il y aura Saint-Dié, donc le 25 avril, alors c'est sur quelques jours en amont avec des conférences, des animations, petit clin d'œil aussi aux enseignants, au public, aux étudiants de l'IUT de Saint-Dié bien sûr. Et le thème c'est donc Polar sur Meurthe, l'univers du roman policier noir, et avec l'invité d'honneur, et ça sera très sympathique, Valerio Varesi d'Italie. Et vraiment, on vous recommande cette manifestation, c'est la deuxième édition. Alors ensuite, une expo qui durera jusqu'en juin avec les fresques Tania Moureau. Nous avions eu l'occasion de faire un clin d'œil de découverte de cette artiste. Là encore, un beau partenariat Métropole Ville de Nancy, ACJ et Musée des Beaux-Arts. Les fresques sont visibles donc voilà, au Musée des Beaux-Arts, et c'est vraiment très très sympathique. Et puis, on va évoquer trois petits événements qui sont très rapides. Sur le côté loisirs et festifs pour ce printemps, Nature en fête au Parc Sainte-Marie, vous y retrouverez les œuvres cette fois-ci en extérieur de Jean-François Vineau, mais également d'autres petits événements que vous découvrirez sur notre agenda. Et puis dans les projets, au gré du jazz prochainement, et puis voilà, on espère vivement pouvoir vous proposer bientôt un focus sur les différentes galeries de l'Université de Lorraine. On évoquait en aparté en début d'émission ce temps fort, ça serait très très bien. Et puis également un portrait sur la prochaine saison, ça, voilà, avec une rencontre avec son nouveau directeur de l'espace Coltès à Metz. Merci beaucoup Gilles pour ces informations et tous ces événements desquels nous sommes partenaires. On reparlera notamment du gré du jazz probablement lors des prochaines émissions, donc Éclat de Lumière. Il nous reste un petit peu de temps et on va maintenant rentrer dans la dernière partie de cette émission, ce qu'on appelle l'interview mise en lumière de nos invités. Le concept, il est simple, on a parlé du prix Frontière pendant une grande partie de cette émission, désormais c'est vos goûts personnels que je vais interroger avec quelques questions afin d'avoir des suggestions pour les auditeurs et pour les lecteurs du magazine et de l'émission de radio Lumière en art et éclat de lumière. Alors je vais commencer très simplement par vous demander à tous les deux, quel est le dernier livre que vous avez lu, ou alors quel est votre livre de chevet, celui que vous relisez un petit peu régulièrement comme un doudou? Alors je commence, je l'ai sous les yeux, c'est un livre qu'une amie m'a prêté, ça s'appelle, alors je le lis en anglais, The Glassmaker, c'est le verrier, ça se passe à Murano au Moyen-Âge, c'est écrit par Tracy Chevalier. C'est un livre que j'ai beaucoup de plaisir à lire. Eva ? Alors moi, en ce moment, je suis en train de lire le livre « Moi qui n'ai pas connu les hommes » de Jacqueline Harpman. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Mais c'est un livre qui a été écrit en 1995 et c'est ma maman qui me l'a donné en me disant « Tiens, lis-le ». Alors... là, j'en suis dans les 100 premières pages, donc c'est une dystopie sur une quarantaine de femmes en cage, c'est très joyeux. Et en fait, un jour, elles vont sortir et redécouvrir la vie, et c'est un livre très féministe, voilà. Et j'ai hâte de le finir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être, alors je sais que tous les invités ne vont pas forcément dans cet univers, mais un manga, un roman graphique, une BD que vous aimeriez recommander à nos auditeurs, si vous en avez, je sais que souvent les invités me disent non, mais alors peut-être que vous alors, en avez. Alors, je ne vais pas répondre à la question, mais je vais revenir à celle d'avant, puisque je suis féministe. Donc en fait, le livre dont j'ai parlé, il devrait se traduire par La Verrière, car en fait, c'est une femme à Murano qui supplante ses frères, tous les hommes autour d'elle pour être la meilleure verrière. Elle repousse les frontières de la verrière. Voilà, donc un livre féministe. Moi, pour ma part, alors j'ai une très grande période de manga quand j'étais au lycée et je sais que mon manga préféré, c'était Devilman's Crybaby. Et je l'ai aussi regardé en animé, il est très très très bien en animé. Et je vais pas en dire plus parce que les images, c'est tout un univers, c'est magnifique. Après, voilà, faut s'y faire. Et je dirais que moi, pendant 2 semaines, j'étais en réflexion profonde sur ma vie. Donc, voilà. Après ça. Une exposition, un spectacle vivant que vous avez vu récemment et que vous aimeriez recommander aux auditeurs d'Éclat de Lumière? Alors j'ai beaucoup aimé ce que l'Opéra de Nancy a donné il y a quelques jours, quelques semaines, Curlew River de Benjamin Britten, avec une création avant d'un... Alors là, excusez-moi, mais c'est un compositeur serbe ou avec un nom... Je crois que le difficilement prénom, c'était Marco. Marco, voilà, qui a fait une très très belle, c'est un très beau spectacle avec une magnifique musique. Alors moi, je recommande une des dernières pièces que j'ai vues, qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. Mais après, je suis sûre, enfin je crois que c'est que sur Paris, mais ça vaut vraiment la peine de monter sur Paris pour aller la voir. C'est une des plus belles pièces que j'ai vues de ma vie. Donc adapté du film. Adapté du film, mais waouh, merveilleusement bien. Et en fait, on arrive, la musique est déjà là et tout le public est sur scène. Donc on est vraiment en immersion avec eux et on danse sur des musiques. Et voilà. Le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, ou à défaut le dernier film que vous avez aimé ou autre, ou apprécié Je suis un peu en retard. J'ai ma grand-mère qui m'a parlé du film Sirat, et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu aller le voir au cinéma tout de suite. Et là, je l'ai regardé en streaming. C'est pas très bien. Oui, j'ai osé le regarder en streaming. Je l'ai regardé. Waouh, ça. Effectivement, c'est une expérience très sensorielle. Oui. Émotionnellement, avec, c'est. Ouais, c'est et cool. Émotionnellement. Ah ouais, j'ai été retournée. Enfin, je m'y attendais pas. On va dire que je m'y attendais pas. Ben moi, je vais plus au cinéma, malheureusement. j'ai rien à répondre. C'est pas grave. Votre dernier coup de cœur musical ou un morceau, un album que vous écoutez beaucoup en ce moment? Alors, je l'ai sous les yeux. C'est le dernier CD du ténor Jonas Kaufmann. Ça s'appelle Magische Töne, note magique, et l'air qui s'appelle justement Magische Töne. C'est, voilà, ça vous embarque aussi au Nirvana. Eva. Moi, j'ai envie de mettre à l'honneur une artiste féminine qui s'appelle Naika. C'est une artiste américaine d'origine franco-haïtienne. Oui. Et j'adore cette bon femme. Choix. J'adore ces. Merci beaucoup. J'adore cette vibe. Et voilà, je me régale là-dessus. Et si vous voulez une chanson, là en ce moment, il y en a une qui cartonne, c'est One Track Mind. Exactement. Recommandation validée par Nuncia. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'aurais bien voulu rester encore avec vous, hein, bien évidemment. Moi aussi. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je tiens donc à remercier nos invités, Pierre De Gotte et Eva Gutleber, excuse-moi, pour leur éclairage précieux et leur réflexion sur cette 6e édition du Prix Frontières de l'Université de Lorraine, ainsi que mes chroniqueurs du jour, Gilles et Nuncia. Merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay, en podcast, sur le site Fadjet, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Je rappelle donc les deux pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, l'Instagram de Lumière en Art, mais aussi sur le site internet de Lumière en Art. Après une émission pareille, hein, évidemment, sortez, allez en librairie, procurez-vous les romans de la sélection du Prix Frontières 2026, cultivez-vous, et on se retrouve, nous, le mois prochain, pour une émission qui sera un petit peu plus musicale. Et pour terminer cette émission, je vais justement mettre un petit peu de Naika, comme elle vient d'évoquer Eva. Au revoir, au mois prochain, ciao. Love had me blind, didn't see the context. That I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime. Cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires, sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know. How one can be so cold, baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind, mind. Take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby. Why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind, mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind, mind. Full speed, on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind, mind, mind. chéri, ou pas vle tende. Ou pas ouais gentil garçon, ça pas mérité. Ou gen trop shine chéri, ou trop fly. Dili bye bye baby, nous son lot bagay. Lage li lage lage l'o. Pas vétise, pas vétise. Lage li lage lage l'o.